à chacun sa banlieue. La mienne, je l'aime et elle s'appelle le 18ème. Dans ma rue, yeah. Big Black M. Dans ma rue, dans ma rue. Les yeux plus gros que Doc Gynéco. Ah. Les yeux plus gros que le monde. Dans ma rue, yeah. Secteur A. Dans ma rue, yeah. Dans ma rue, yeah. Dans ma rue, yeah. Radio Sud. To attack now, pulling the parking lot slow with the lockdown. Convicts got the whole thing packed now. Step in the club, the wardrobe intact now. I feel it on and crack now. Ooh, I see it's all at back now. I'ma call them, then I put the mat down. Money no problem, pocket full of that now. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo? Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Possibly been your old. Smack that hack all on the floor. Smack that hack, give me some more. Smack that hack till you get sore. Smack that hack, oh. Smack that hack all on the floor. Smack that hack, give me some more. Smack that hack till you get sore. Smack that hack, oh. Oh, looks like another club banger. They better hang on when they throw this thing on. Get a little drink on, they gon' flip for the sake on shit. You can bank on it. Pedicure, manicure, kitty cat claws. The way she climbs up and down them poles. Looking like one of them booty cat dolls. Trying to hold my woody back through my drawers. Steps off stage, didn't think I saw. Creeps up behind me and she's like, yeah. I'm like, I know, let's cut to the chase. No time to waste, back to my place. Plus from the club to the cribs like a mile away. Or more like a palace, shall I say. And plus I got a pal if he gallows game. In fact, he's the one singing the song that's playing. Hey, girl! I feel you creeping, I can see it from my shadow. My shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Possibly bend your over. Look back and watch me smack that. Them rolling, women just hoeing, big booty rolling. Soon I'll be all in them and throwing D. Hitting no less than three. Block real style like we. Girl, I can tell you want me, cause lately I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Possibly bend your over. Look back and watch me smack. Radio Sud. Radio Sud. Baby, baby, oh baby, baby, feu de bois, jeu de voix, suis-moi, je te veux pas, fuis-moi, je te veux toi. Feu de bois, jeu de trois, un des deux, aide-moi, un des trois, aide-nous, aidez-nous, aidez-moi. Feu de bois, jeu de voix, tu me dois, Dieu te voit, montre-moi que du doigt ce que t'as fait de moi. Creux de joie, que de roi, fais des bois, fais de moi ce qu'on a fait de toi. Sur le tas, sûr de toi, tu t'y crois, c'est déjà ce qu'on a fait de moi. Fais de toi, fais de nous. Prends pas la tête, je ne tiens plus le coup.

On est bien. Si, si. On est là. Enchanté, bienvenue. Ouais. Big up à la balistique avec nous. Bonjour, Luffy. Luffy Negrito, il y a Wills aussi toujours là. Il y a Wills qui est là. Negrito, il n'a pas mis son casque. Hein, ah, il ne l'a pas mis, il l'avait toujours pour les clips, mais là, il ne l'a pas mis. Vas-y. Ah, il prévient d'avance. Si, si. Tu vas me canner. Et puis, il y a Frère Gras qui est là aussi, qui est là pour prendre quelques vidéos et faire sa petite magie. Il est revenu du côté sombre. Il est revenu. Donc, KXR... Ouais, KXR, ouais. Dans nos précédentes émissions, on a demandé au mec de nous faire un petit jingle. Donc nous, on a fait un jingle et on aimerait bien que tu nous fasses ton petit jingle. Okay. Donc Jones va balancer le jingle et puis c'est parti, on te laisse faire ta sauce. Vas-y, let's go. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jones. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. Hey, hey, hey, c'est KX toujours là sur Radio Sud et on est là. Yes. Et c'est parti, hein. Si, si, on est là. Let's go, let's go. KXR, avant de commencer sur l'interview, on voulait savoir sur quel réseau on peut te suivre. Sur quel réseau sur Insta, réseau le plus connu, hein. Insta, LNYKXR. Après, il y a Snap aussi. Snap, l'NYSI et le DZNYSI. Et sinon, il y a YouTube toujours. Okay. YouTube où je passe les clips, tout ça. Et du coup, voilà. Yes. Je rebondis. Là, j'ai l'impression de revivre la vie. On a fait ça, on a refait deux fois. Mais bon, oui. Vas-y, c'est le déjà vu. Ah, ça joue sans fin, sa mère. Ah, yeah. Je rebondis pour ceux qui étaient donc pas là. Donc ce soir, désolé, on arrive. Ça fait pas longtemps qu'on fait ça. On est obligé. On croyait qu'on était en direct trois fois. T'imagines ou pas? Ouais. Chien. Non. Donc voilà, KXR, en quelques chiffres, sur sa chaîne YouTube, c'est 524 abonnés, deux clips sur la chaîne YouTube. On totalise 19 000 vues pour les deux. Le plus vu, c'est Reckless avec 12 000 vues quand même. C'est bon petit score qui est pas mal. Et sur Insta, t'as un peu plus de 1000 abonnés. Tu n'étais pas trop actif, comme j'ai dit tout à l'heure. Et tu nous avais balancé une exclu. Je sais. Donc, mais il faut que je sois plus actif. Mettre des stories, tout ça. Ça ramène du monde. Hein. Ouais. Bah, avec Insta, des fois, on sait jamais. Hein. Des fois, ça te fait perdre des abonnés. Tu comprends même pas pourquoi. Ouais, c'est le. C'est chaud. C'est hein. Le game des followers. C'est ça. Si, si. Donc, comme j'ai déjà dit, avant de tomber sur ton clip Reckless, j'avais un peu regardé ce que faisait la balistique, Jeff, etc. Un peu tous les jeunes qui sont en train d'arriver et qui sont là, tu vois. Ouais. Et du coup, je me demandais un peu qui tu étais. Et on va parler de ça directement. Donc, quel âge t'as? Moi, j'ai 16 ans. 16 piges? Ouais. Si, si. Et tu paieras depuis combien de temps? Ça fait un an. Un an et demi que je rappe. Genre okay. Vraiment. Genre si, si. Où je me mets bien dedans, tout ça. J'essaye d'être assez carré, tu okay. vois. Ok. Et tomber du berceau, directement du berceau au studio. Hein. Non, même pas. Avant, j'avais même pas l'idée de rapper. C'est venu plus tard, en fait. Bah, okay. C'est venu plus tard. Et KXR, pourquoi KXR? À la base, ça venait de Karma. Après, j'ai raccourci parce que je voyais qu'il y avait trop de gens qui s'appelaient comme ça et j'avais trop la haine. Je voyais que des Karma sur YouTube et tout. Et c'est, du coup, j'ai lâché, j'ai mis KXR direct parce que comme ça... Après, on tombe sur des quads. Okay. Bon, ça, je sais pas. YZ. Vas-y. Ouais. D'ailleurs, Karma, pourquoi Karma? Qu'est-ce que tu mets derrière Karma, toi? Je sais même pas. Ça sonnait bien. Okay. Ouais, ça sonnait bien. Vas-y. Hein. Si, si. Un genou d'un jour, il lui a parlé. C'est comme ça. Tu t'appelleras Calme. Vas-y. Non. Et tu viens d'où? Est-ce que t'es de Besançon? Ouais, je suis de Besançon, mais j'habite à côté. Ok. Je suis de Besançon toujours. Si, si. Et tes origines alors? Je suis congolais français. Congolais français? Ouais. Est-ce que tu parles un petit peu? Non, je comprends. J'arrive bien à comprendre. Olobinini. Ah, ok. T'es déjà allé ou? Non. Non? Jamais allé. Non. Mais je vais y aller, c'est sûr. Si, si. Sûr. Will, tu parles congolais toi ou quoi? Ah, ok. Aïe, Will, c'est toujours là, mon gars. D'accord, vas-y. Hein. Et en dehors du rap, parce que du coup, tu nous disais que là, ça fait un an, entre guillemets, carré, de manière carrée. Ouais. En dehors du Peura, est-ce que t'as des kiffs? Est-ce que, je sais pas, t'es sportif? Est-ce que... Bah... En vrai, je fais juste de la boxe, c'est tout. Ok. Après... Oh, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est après, ça. C'est tout. Hein. Après, je fais que du rap. Enfin, je me consacre grave au rap. T'es encore en cours ou... Ouais, je suis toujours en cours, okay. Moi. T'es où en cours? Je suis à Pergo. Ah, c'est bizarre. C'est juste là-haut. Hein. Ouais, t'inquiète. C'est une grande usine, à Pergo. C'est bizarre. Ouais, mais ça a été, ça a été remodifié. Dis-lui, Will Switch. Ça a été remodifié. Hein. Comment ça, modifié? En gros, à l'ancienne, c'était une usine, mais là, ils ont fait passer en mode c'est un lycée. Mais on sait très bien que c'est une usine. Hein. Ouais. On le sait très bien. Faut pas faire genre. Hein. Apparemment, ça a pas changé. Hein. La vie. Apparemment, ça a pas changé. Ça a pas changé. Eh, KX, là, j'ai un petit. Là, je viens d'ouvrir l'Instagram de la 25e, ça le fout, et je reçois un message. Il chante trop bien. Ah. De qui? Mélissa Bezac. Mélissa Bezac. Je te donne mon portable, tu lui réponds en vidéo. Ah là là, ça commence. Ah, je sais pas. Ça commence. Gros. Tu lui réponds en vidéo, tu lui dis ce que t'as envie de lui dire, mais Belek quand même. Bon. Comment on fait? Donc, on est toujours dans la 25e. C'est émission bon. Spéciale KXR ce soir, 22h minuit. On a pris un petit peu. Ah, mais tu lui as répondu en. Bah, tu gères. Là, elle sait pas que c'est toi qui lui écris. Hein. Bah. KXR est en train de répondre en direct sur Insta à de jeunes fanatiques. Tiens, en mode, tu fais une vidéo. C'est jeune fanatique, t'entends? Bisous, kiss. Hein. Aïe, aïe, aïe. Mélissa, toujours là. Oh, la belle cat, tout back ça. Back. Vous faites faire des trucs de ouf. Mélissa, merci. Hein. Bien vu. C'est bon. Eh ben tu sais quoi? Tu sais quoi, en attendant, ce qu'on va faire, je vais balancer du coup le premier clip KXR Reckless, okay. Réalisé par Frère Gras, si je ne m'abuse. Ouais, au studio Dynamics. Donc j'invite tous les auditeurs à aller le voir. Et puis après on enchaîne, hein, sur la suite. Parti. KXR Reckless. Allez, flow dans ta tête. J'suis pas comme toi, mon négro. Pour la daronne, faut les dîner l'eau. Et non, j'rigole pas. Même si faut le faire, j'le fais. Même si y'a des tas de fois qui partent par part. Elle a kiffé mes dossiers. Donc la ben, j'te fais pas des sangs. Et la 10 qui me tombe dessus. Oui, dans l'année, y'en a eu 200. Le père, on n'est pas fier de son petit valet. Gros, j'ai grandi avec. Donc si tu veux tenter de faire le Tony, mon gars, tu peux ranger tes pecs. On veut les millions, le talba, la tapin, les métaux et tout ce qui sert à faire des sous. Avec nous, le quotidien est dégueulasse. Enchaîné si tu veux le coup. T'as 6 balles dans le Paris, yeah. Le sirop qu'on veut le siroter. On est proche, il sert à rêver. Pour le futur, faudra Paris, yeah. On est gros, faudra Paris, yeah. La gadiche fait la sourde et la roupe du poteau. Tu racontes ta vie, c'est que du mytho. On rentre très tard, tu sais qu'on est chaud. Daron n'est pas fier, c'est pour ça que j'suis faux. J'manque à la daronne, elle me trouve souvent absent. C'est qu'elle n'est pas conne, elle sait bien que je mens. Tu fais l'Al Capone, on le sait que t'es tigeant. J'me sens malophone, j'ai rien fait pourtant. Cassé en deux, méthode atypique, donc je la casse en deux. Toujours dans la chop avec tous mes négros. On est comme eux, ouais, on veut tous des zéros. T'es zéro, t'es zéro, taisez-vous, taisez-vous. J'ai capté que mon poteau était du genre chelou. Gros, je suis solo dans ma tête et je m'en bats les couilles de ce que tu penses. Ouais, je pars en couille à cause de son absence. Pas de guide, pas de frère, pas de gens qui pensent. Et les balances qui voient connaissent la sentence. Moula des kéro, elle fait ça bien comme une pan star. Tu sais très bien que je casse la mélo. Si t'es le gant, t'as le brassard. Ouais, pour la tarte, pour les euros. Je réfléchis à mon bail. Dans ma prochaine, je gratte mes textes. Des fois, sombre quand je fly. Tu ne sauras pas les détails next. On ne veut pas se faire péter. J'ai vu sa gueule et j'ai shifté. Y'a pas de motif, on t'écrase. Mais j'avoue que je suis vite écrasé. On est plus fort que les plus grands. Bien plus de flow, t'es grave décevant. Dans pas longtemps, je prendrai les devants. Et tu ne diras plus que je suis débutant. J'ai la haine au micro. Ta go, elle a les crocs. Elle me masse le dos. Et les masses, c'est pas mon dos. La gadie fait la sourde, la roupe du poteau. Tu racontes ta vie, c'est que du mytho. On rentre très tard, tu sais qu'on est chaud. Daron n'est pas fier, c'est pour ça que je suis faux. J'manque à la daronne, elle me trouve souvent absent. Je sais qu'elle n'est pas conne, elle sait bien que je mens. tapone. On le sait que t'es chiant. J'me sens malophone. J'ai rien fait pourtant. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah, yeah, yeah, yeah. Vous êtes toujours dans la 25ème, émission spéciale KXR. Donc, ouais, c'était le son Reckless. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du son? Peut-être où t'as posé, etc. Ce son-là, je l'ai posé à Ivry. Ok. À Ivry, c'est à... dans le 9-4. C'est à Dynamix. Ok. Je l'ai posé là-bas. Est-ce que tu sais que quand même aller dans des studios comme ça directement, on va dire entre guillemets pour ton premier son, ouais, c'est déjà une preuve de, comme tu disais, ça fait un an que je me suis mis un peu carré. Ouais. Ça montre que quand même t'es déterminé. Ouais. Tu vois. Ouais. Moi, quand je suis tombé sur le son, le clip, j'ai dit ah ouais, ça va, tu vois. Et... Le son sort bien. Ouais. Voilà. Tu vois, d'habitude, c'est Théo2S, il jette des téléphones pendant les trucs. Là, c'est qui? Ah ouais. Le téléphone est tombé. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Ça marche plus, je crois. C'est un ninja. Hein. Non, mais voilà. En tout cas, je pense que c'est une bonne démarche. Tu vois, c'est une bonne démarche. Après, c'est que mon ressenti. C'est que mon ressenti, tu vois. Mais ouais, propre. Propre. Merci. Alors, KX, je t'ai préparé un petit jeu. Ouais. C'est simple, c'est un texte à trous. Mm-hmm. Y a pas de piège. Hein. Ouais, pas de piège. Ouais. Je vais te lire le truc une fois, deux fois. Après, tu remplis le trou comme tu veux. Ok, tu vois. Ok. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase. Ok, vas-y, ça marche. C'est tout bête. Vas-y. Donc, si je devais me définir en un mot, je dirais que je suis. Je te laisse réfléchir. Si je devais me définir en un mot, je dirais que je suis... Moi-même. Okay. Je suis moi-même. Si, si. 100% naturel. Ouais, c'est ça. Yes. C'est ça. Ok. Il est bio. Il est bio. Le rap pour moi, c'est... C'est un truc qui peut devenir rentable. Ok. Je pense. Si, si. Ouais. Ok. T'es dans le bénéf, là, hein. Même pas, mais faut voir. Hein. Vas-y. Hein. Donc tu vois un peu le rap aussi comme une sorte de business aussi, quoi. Non. Après, tu vois, je vais pas te mentir, moi, quand j'ai commencé à rapper, j'ai kiffé ça direct. Okay. Et du coup, bah, tu sais, quand je suis tout seul chez moi, direct ça pose un texte et je mets une instru sur l'enceinte, direct ça pose tout ça. Parce que je kiffe ça, tu vois. Ok. Mais comment ça, tu vois ça rentable? Quand tu te poses chez toi, tu vois des billets. Ah, des billets tombés du ciel comme ça? Ah, bah non. Non, mais je me dis juste dans ma tête, tu vois. Vas-y. Mm. Tout le mal que je te souhaite. Hein. Yes. Le morceau dont je suis le plus fier aujourd'hui, c'est 1-1-1 parce que... 1-1-1. Le morceau dont je suis le plus fier aujourd'hui... Bon, c'est un peu des questions... En fait, c'est un peu des questions pièges. Ouais. Mais bon. C'est chaud quand même, hein. Parce que j'aime bien... Enfin, tu vois, c'est... Je sais pas comment expliquer, mais je dirais Reckless quand même. Ok. Et pourquoi Reckless? Parce que j'ai vu que les gens ils avaient aimé ça quand même. Ok. Du coup bah, tu vois, dès que tu vois ça, tu te dis bah, je suis content, tu vois. Content, tu vois que ça fait un peu plaisir aux gens. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça fait un peu d'impact et du coup bah voilà. Ok. Yes. Si demain ça pète et que je vis de ma musique, j'irai nanana. Et je ferai une croix sur... T'as dit quoi déjà? Si demain ça pète, toi, tu parlais de rentabilité. Ouais. Vas-y, si demain t'es là, t'es une tête d'affiche, t'as pété, tout le monde te connaît. Qu'est-ce que tu vas faire en premier? Je donne de l'argent à ma daronne. Ok. Je donne de l'argent à ma daronne. Après, je me barre au state. Ok. Direct, je me barre au state. Yes. Quoi faire? Pourquoi tu, faire? Tu viens de péter là, tu kills direct. Non, même pas, c'est juste kiff là-bas. Du coup, je fais mes petites vacances. En mode vacances. Ouais, okay. Okay. Voilà. Et tu feras une croix sur quoi? Si demain ça. Ah, je ferai une croix sur quoi? Je sais pas. La vie, je sais pas. C'est toutes les personnes qui me disaient que vas-y, j'allais pas réussir, je sais pas quoi. Sur Pergo, non? Sur Pergo. Ouais, frère même Gras, fais une croix sur frère Gras. Mais non, frère Gras, il est toujours là. Si, toujours si. Là. Ouais, tu fais une croix sur ceux qui n'ont pas cru en toi, quoi. En voilà. Si, si. Yes. Mes trois expressions préférées. T'as capté. T'as capté. Ouah, je sais pas. Hein. T'as capté. Après, ça peut être une expression aussi. T'as dit, t'as capté. Pourquoi je sais voilà. pas. C'est bon, hein. Ouais, j'avoue. Quoi, j'avoue. Quatre, c'est bon. C'est mes expressions, en fait. Ok. Vas-y, si, vas-y. Si. Est-ce que tu prends le temps, des fois, de regarder un peu les commentaires sur tes clips, là sur YouTube clips, ouais. Ouais, ouais. Parce que là, je suis devant, là. Que des commentaires de validation. Hein. Ah ouais? Même des boucs qui se. En mode. Ouais, le premier à liker, le premier à regarder. First! Beaucoup non, trop mais... lourd, validé. Bien sûr, je regarde toujours, toujours quand je poste un clip et même après, parce que des fois, il y a des commentaires après. Direct, je regarde et je me dis, tu vois, si jamais ça a pas plu ou des trucs comme ça, tu vois. Après, tu fais en fonction? Non, même pas. Ouais. Non, même pas, mais je regarde juste les avis. Mais franchement, quand je vois des avis positifs, ça me fait trop plaisir. 085, il est là. Hein. Il a dit quoi? Il répond souvent. Hein. Qui? Continue, t'es on fire. C'est quoi déjà son blaze? Zirlo 85. Ah, tu okay. vois qui c'est ou pas? Non, je vois même pas. Vas-y, hein. Il répond souvent. Bah, s'il meurt alors. Si, si. Et est-ce que t'es arrivé à un point où peut-être tu passes au lycée et les gens ils disent ah, j'ai vu ton dernier clip? Mais je suis pas une star. Mais à je suis pas une star. J'ai fouillé un peu sur ton YouTube. Je suis pas une star. Il y a des gens qui te disent ouais, je t'ai vu mercredi. Ouais, je t'ai vu. Nanana. C'est pas le commentaire. Il me dit quoi? Je t'ai vu mercredi à Booba. Bah oui, c'est ça. Oh, je suis passé. Il m'a dit je t'ai vu mercredi à Booba. Non, mais juste comme ça, c'est des petites anecdotes. C'est rien. C'est pas même pas. Ouais, bah donc les gens quand ils te voient, ils se disent quand même. Mais non. Ah. Je peux pas vous considérer. Je sais pas. C'est. Là, non, mais c'est même pas star ou tu vois. C'est juste que. Peut-être que les gens, en fait, tu vois, ils te suivent, voilà, tu vois, ils regardent vraiment les clips, ils attendent peut-être, tu vois. Il y a moyen, ouais. Je sais pas. Moi, je pense peut-être. Que c'est les cheveux aussi, tu vois. Les cheveux? Moi, je pense que les cheveux, c'est... Ça, c'est made in congolais français, si, ça. Si, si. Les gens, ils peuvent pas te louper, mon gars. Ouais. Yes. Bon, pour le texte à trous, moi, j'ai fini. Je vais te laisser un peu tranquille. Ouais, ouais. Je sais pas si Jounès t'avais un truc à rajouter non, ou pas. Non, pas rien de particulier. Hein. Je suis sur ton YouTube. J'ai apprécié le clip au musée. Ah ouais. Ça m'a fait découvrir deux trois trucs. Justement, c'est ce son là que je voulais mettre. Allons. Donc c'est AC, KXR, AC. Tu peux rappeler la chaîne YouTube? KXR. C'est juste KXR en majuscule ou pas en majuscule. Ok. Mais c'est KXR. Toujours un clip réalisé par Gras aussi. Toujours. Si si. Quand il réalisait à l'époque. À l'époque. Si si, donc je vous passe le son KXR AC, vous pouvez le voir sur le YouTube KXR la chaîne. Tourné au musée des Beaux-Arts quand même, faut le dire, parce que ils ont vu débouler une équipe là de petits là énervés. Purée. La vie. Mais ils ont énervé. Été sympas apparemment, ils ont été sympas. Ouais ouais. Donc big up au musée des Beaux-Arts au passage. Méga big up. Yes. C'est des bons. C'est KXR. Et je suis drunk à la sky, mon aigle. Dans cette ville y'a beaucoup trop de gueuches. On te la met à la mode et toi t'y crois tellement qu'on dirait que t'as perdu tes petits yeux. Rata dans le club et les gars disent change sur ma star. 7K elle a ma teub. Dans ces cas là ne t'imine pas. T'as capté ta gadget en coupé décalé pendant que tous tes yanks qui tapent des traits dans la scène. C'est bizarre mais c'est vrai, depuis que je fais du bon son, elle fait que de m'écarter. J't'avoue ça me rend fou quand je cache des sentiments dans la masse. Est-ce que je l'aurais pas mépris comme un putain d'Akra? Mais du coup boy, est-ce que t'es sûr de savoir ce que tu fais? Si tu te fais péter, tu es vraiment sûr de ne pas balancer? Si tu perds tes mots, j't'assure qu'on va te les faire retrouver. Si tu perds tes mots, j't'assure qu'on va te les faire retrouver. J'en ai assez, j'dois amener euros pour la madré. Game, tu sais que je dois le niquer. Du coup, négro, je vais tout miser. J'en ai assez pour la montre. J'dois le niquer. Je vais tout miser. J'en ai assez. J'dois amener euros pour la madre. Le rap game, tu sais que je dois niquer. Du coup négro je vais tout miser. J'en ai assez. Si t'es flex, fais pas le fait les boys, on va t'arroser. Tu le sais, je suis préparé, t'inquiète, on est paré. Tu le sais que je vais les lever, la coquille, je vais la grailler. Je suis karma dans la branche et je fly négueux. Je vais peur à la dernière fois, c'était grave dégueu. Si t'as pas la mentale, mon gars, tu peux tailler négueux. Si tu sais pas ce que tu dis, stoppé, tu fermes ta gueule. Ferme ta putain de gueule. Si tu sais pas ce que tu dis, stoppé, tu fermes ta gueule. Je la prends dans son lit, elle crie comme une folle. Elle en a envie, son petit, je la cogne. Mais c'est chaud, je l'ai au télo. Elle me dit, fais pas le mytho. J'ai le cœur comme un frigo. On sait ce que t'as fait mon négro, on sait ce que tu dis mon négro. Toujours vesqui mon déo, et wesh là tu le boules gros. On sait ce que t'as fait mon négro, on sait ce que tu dis mon négro. Toujours vesqui mon déo, et wesh là tu le boules gros. Cela tu le boules gros. J'en ai assez. J'dois amener euro pour la madré. Le rap game tu sais que j'dois le niquer. Du coup négro je vais tout miser. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net 101.8. Yeah, yeah, yeah. Vous êtes toujours dans la 25ème, 22h minuit. Ciao et Jounes. Émission spéciale KXR. Ouais. Donc, le son qu'on vient de passer, c'était assez. Comme on a dit, réalisé par. Enfin, le clip réalisé par Frère Gras. Tourné au Musée des Beaux-Arts. Ouais, ouais. Pareil, celui-là, tu l'as enregistré à Ivry. Celui-là, toujours, ouais, à Dynamics, toujours. Ok. Ouais. C'est un peu ton studio de prédilection. Ouais, en fait, à chaque fois que j'ai envie de faire un son, je vais là-bas. Ok. Parce que j'aime bien le mixage, tout ça. Et c'est quoi? C'était bouche à oreille ou c'est parce que... Non, en fait, non, j'ai regardé directement. En fait, enfin, j'ai regardé, t'es sur Google. J'ai cherché studio, Studio Paris. Okay. En fait, dans les alentours, vers le 9-4, tout ça. Ok. Parce qu'il y a mes cousins. Et du coup, bah, j'ai vu lui, puis voilà. Ok, d'accord. Donc, Dynamics à Ivry. Ouais. Alors, pour la suite, on va un petit peu rentrer dans les détails. On va parler un peu de tes influences, ton point de vue sur le rap actuel, etc., etc. Ok. Donc, j'avais quelques questions à te poser. La première, c'était quels sont tes trois albums références? Wouah, attends, je vais checker ça direct. Je vais te dire en tac. Déjà, rap américain, de sûr. YNW Melly, I Am You, ça c'est un bon album. Ok. J'en ai trop. Là, si tu devais en sélectionner 3, pour toi c'était, on va dire, tu les... F430. F430. Ouais, et Blueface Famous Crip. Ok, ouais. Donc F430 c'est français, hein? Ouais. Ouais, si. Ok, Blueface. Si t'as un album que t'attends fort cette année, ce serait l'album de qui? Cynic. Ah non. Leto, Trapstar 2. Leto. Direct Trapstar 2. Trapstar 2. Ok. T'es pas Cynic toi? Non. Si, c'est un rappeur. À l'ancienne. À l'ancienne, il a dit. Ah, mais c'est ancien. Hein? Si. Non, mais en fait, en vrai, tu vois, c'est là que je me rends compte qu'il y a des... Tu vois, là, on est avec KX, il a 16 piges. Il est meilleur, frère. Il est meilleur. Oh là, le gamin, oui. Nous, en vrai, cynique et tout, nous. Mais en fait, ça, c'est. En fait, je connais deux noms. Je connais deux noms, mais tu vois, moi, j'ai pas écouté ça. Bah oui, après, c'est bof, hein. On est entre nous, c'est bof, mais il kickait avant, tu vois. Mais vas-y. Ça, c'est Jounes après. Ouais. Hein. Après, tu connais pas encore, mais. Jounes, il a des avis bien tranchés. Je vois ça. Je vois ça. Je connais. Si. Et en dehors du rap. Est-ce que tu écoutes autre chose que du Pera? Non. Non? Non. Très rap américain. Des instrus. Que des prods. Des prods et du rap, c'est tout. Ok. Ouais. Même musique congolaise, tout ça, non? Si, j'écoute. Ah voilà, pourquoi tu mens? Ouais, mais... Non, je mens pas. Je mens pas. Mais tu vois, je veux dire, en général... Quand t'as commencé à répondre, Will, si j'ai dit, mais non, c'est pas possible. Hein? Arrête, t'as fait ça, frère. Ah ouais, t'es là, tu mens. Il a levé sa main, tu sais. Ah non, il a, mais il a, dire il a, en général. Il a même dit Ndombolo, il a dit ça. Mais oh. Je connais, wesh. Oh là là. Non, taquine, non, taquine. Ok, donc beaucoup de prod, beaucoup de rap. Ouais, en général. Yes, ok. Dans le bus ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu penses de l'influence des réseaux sociaux, du streaming, d'internet sur, le rap, ouais, en général? Bah, le streaming, ça nique un peu les disques, hein, en vrai. Ouais, bah, quand tu y penses. Mmh, ça nique un peu les disques, mais du coup, maintenant, ça se recentre plus sur internet. Avant, c'était... je sais pas comment expliquer, mais maintenant, l'influence des réseaux, c'est grave important. Par exemple, par rapport aux gens qui partagent tout ça, qui donnent la force, tout ça, ben, ça aide de ouf. Et du coup, internet, c'est grave important maintenant. Surtout au niveau du rap. Niveau du rap. Donc, tu négliges, en fait. Je néglige quoi? Parce que t'es là, tu me dis que c'est grave important. Je vais sur ton Insta. Pff, t'as négligé ça. Ouais, tu t'en fous un peu. Non, je suis sur mon Insta, mais ça veut pas dire que je check pas mes bails. Mmh. Je poste pas, mais je check. Ok. Toujours. Toujours, toujours. Oh, je suis actif sur Insta en fait. Hein. Je sais pas, moi, après c'est... Sur mon Insta, j'ai des photos tout ça. Tu sais, Jounès, ouais, si, frérot. Jounès, bah, c'est un sniper. Hein. J'ai vu, direct, il me sort tout ça. T'es... C'est n'importe qui peut aller sur ton Insta, frère. Ouais, c'est vrai. Voilà, je te vois là. Direct. Il t'attend au tournant. Belex, ça le fait. Même pas. Aujourd'hui, je suis doux là. Et d'ailleurs, du coup, on parlait de ces influences-là, d'internet, nanana. L'importance du visuel aujourd'hui, tout ce qui est clip, image, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui importe quelque chose ou est-ce que ça importe peu? Comment ça, le visuel? Ouais. Tout ce le visuel tu... dans les clips. Tout ce que... Ouais, les clips, l'image que tu renvoies. Ouais, c'est super important ça. Ouais. C'est important. Après, tu sais, faut être comme on est, mais je veux dire, c'est important. Ok. T'as capté? Parce faut pas dégager une vieille image de toi. C'est sûr. Ouais, ouais, je vois. Non, parce que tu vois, on va dire entre guillemets, moi je suis d'une école qui, vas-y, on dit le rap, déjà ça s'écoute, tu vois ce que je veux dire? Et justement, je vois la gênée maintenant, si t'as pas de clip, tu vois, peut-être que les gens ils écoutent même pas, tu vois ce que tu fais. Peut-être qu'ils... Ouais. Tu vois, comme moi par exemple, je t'ai découvert avec le clip, et je trouve que le clip a eu une grande influence sur moi, la manière de m'écouter, en fait, tu vois. Mais c'était ton premier son, ça, ou pas? Le clip avec Luffy, là? Ouais, tout premier son. Directement. Ouais, clip. Masta, direct. Bah, j'ai chaud, hein. Ouais. Avant, ça balançait direct le son, sans clip, ouais, rien du tout. Bah ouais, c'est comme ça. Mais maintenant, moi, après, c'est juste... Luffy, il avait déjà clippé avant, et on a juste décidé de faire un son ensemble. Bah, après, on a voulu le clipper, tout ça. Ok. Si, mais sur le clip, là... Ouais. T'étais un peu hésitant, c'est quand tu connaissais pas ton texte ou il y avait quelqu'un qui te faisait peur derrière la caméra? Non. Parce que tu regardais un non, peu. Non mais en mode regarde, je vais t'expliquer. Tu vois, tu connais quand c'est la première fois que tu te lances dans quelque chose. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y. Tu vois, t'as capté. Ouais. Faut être sûr de ce qu'on fait, tu vois. C'est ça ta réponse là? Voilà, c'est ça ma réponse. Vas-y. Prends-la comme tu veux, tu vois. Vas-y, j'accepte. Tu vois ce que je veux dire? J'accepte. C'est même pas une réponse, mais tu vois ce que je veux dire. Mais il y a un malaise. Pourquoi? Dans le clip. Ah, mais là tu me fais, wesh! Non, là tu me fais! Vas-y, c'est tu bon. Tu vois? C'est bon, ça s'est vu, ouais. Ça s'est vu, c'est bon. Non, après, mais... l'attitude a été correcte sur les deux autres clips. Ouais. T'as compris ou pas que Jounès il est là pour ça aussi? Bien sûr, j'ai compris. Il est là pour pointer j'ai les doigts. Vu, ah, j'ai bien vu. Mais c'est des. Tu vois, c'est des. En vrai, c'est des critiques. Je vois. C'est des critiques. Après, dans le but de t'es bon faire, sur le... Aïe. Là, j'ai su. Ah, on a tout regardé. Non, mais c'est ça. T'inquiète. Ton avis sur l'évolution du rap actuel, est-ce que pour toi, c'est positif, c'est pas bon, c'est quoi? Est-ce que tu t'y retrouves? Bah, franchement, pour moi, le rap, c'est comme ça, ça se crée, enfin, je sais pas. Ça se crée comme ça. Fin... Est-ce que par exemple, si, je sais pas, demain matin, tu vas, tu te réveilles, tu mets la radio, t'écoutes ce qui se passe, est-ce que tu t'y retrouves par exemple? Ouais, bah ça dépend quel son. Ok. Ça dépend quel son, tu vois. Big Flo et Oli. Non, même pas eux, ils ont leur délire. Mm-hmm. C'est bien. Ok. Et par rapport au feat, tu vois, featuring, tout ça. Ouais. Voilà. Voilà, je suis resté dessus. Ah non. On propose. Non. Pas marrant, que... ouais. Ouais, je laisse-le. Sur les... par rapport au featuring, est-ce que. C'est une question que j'avais posée aussi un peu à la BLK. Ouais. C'est, est-ce que t'es ouvert? Est-ce que t'es plus fermé? Non, je suis ouvert au feat. Ok. Je suis ouvert. Ça veut dire que si demain il y a un boug, il dit « Ah, je t'ai écouté à la 25e. » Attends. Si demain le boug le plus flingué, rincé, on va pas dire de nom. Parce ouais. Il vient et te dit « Wesh, Kaitser, j'ai écouté ton bail. » Ouais. C'est lourd. Viens en fit. Est-ce que toi, t'es de ceux qui… Et t'as dit il est nul. Ouais. Non, mais attends, j'ai pas fini ma question. Est-ce que toi, t'es en mode « Vas-y, je vais te plier. » Ouais. Ou vas-y, t'es trop flingué, on rappe ensemble. T'es de quelle école? Bah, mais t'as capté, je peux pas dire t'es trop nul. Parce ouais, que même moi, ça se trouve, je suis nul pour des gens, tu vois ce que je veux dire? T'as capté? Mais on sait que tu sais que t'es plus fort que certaines personnes quand même. Bah, arrête de te la. Tu vas pas la faire à moi, tu vois, tu sais que t'es plus fort que certaines personnes quand même. Ouais. Et le boug le plus flingué demain, il vient et te dit, ouais, je suis. Oh, je lui dis non. Vas-y. Non, mais faut pas passer par quatre chemins. Ouais, c'est bon, vas-y. Au moins, voilà. Voilà, moins, non, mais c'est bon. Au moins, c'est clair. Et du coup. Ça va être une question un peu piège parce que pour moi t'es comme un rookie, tu vois. Tu viens d'arriver. Quoi, c'est un rookie? C'est un jeune loup, tu vois. Un rookie, hein. C'est le jeune qui vient d'arriver, qui est là, qui est prêt à prouver que, tu vois, il va. Ah, je suis un rookie maintenant. Bah, un rookie, wesh. Ah. Ça fait un an. J'espère que c'est un bon animal alors. Hein. Non, après si tu. Ah. Non mais rookie, j'espère, wesh. C'est comme, on va dire. C'est un jeune, tu vois, tu ouais. sors du centre de formation. Ouais. C'est un Mbappé, tu vois. T'arrives dans l'équipe, t'es prêt à rentrer, tu vois, c'est ça. Dans la cour des grands, c'est voilà. ça. Ah. Là, t'arrives avec tes bails carrés. Et ben toi, quel conseil tu donnerais aux jeunes là qui ont envie de faire comme toi, par exemple? Et si t'as un petit là qui vient, il a 11 ans. Ouais. Il te dit, écoute KX, j'ai écrit un texte. Tu peux m'aider, tout ça, quel conseil tu peux me donner? Manger des chips. Bah, va au studio. Ok. Directement. Ah, perds pas de temps, t'écris, tu vas au studio. Perds pas de temps, vas-y. Quoi. Voilà. Fonce. C'est ça. Okay. Lourd. C'est tout. Ok. C'est déjà un bon conseil, hein. Vas-y. Hein. Tu t'attendais à autre chose? Ah, je sais pas, des conseils. Quand je te parle de conseils, moi, je te vois torse nu. Wesh. Ah, ça, c'est. Attends, c'est pas bizarre ce qu'il a dit. Ouais, c'est chelou ce qu'il a dit. Après, attends, pour certaines personnes, torse nu devant un petit de 10 ans, ça devient. Ah ouais, non. Tu ne sais pas ça. Vous ne m'énervez pas. Non, c'est pas bien, oui. Monsieur Jounès. Ah, c'est pas bien. Monsieur Jounès. Ça va finir en tôle. Non, putain. Ça va finir en tôle. Attendez. Mon quoi? Téléphone qui sonne, sa mère. Téléphone? Ouais. Ah, attends. Bah, attends, je vais couper le. Je coupe le direct. Vas-y, ou... coupe un peu. Je réponds. Okay. Faut que je réponde, frère. Vas-y. Je ressens encore un appel cagoulé. Ça rend ouf, ça. Ah, les appels cagoulés. Putain. Tu connais les appels masqués? Ouais. Ok. J'écoute en despi. Attends, j'écoute juste, je réponds. Il est préparé. Ouais, allô? Allô? Ouais. Oh, allô? Ouais, la 25e. Ouais, j'ai une petite question là, pour KXR. Ouais, dans le clip Reckless, j'ai vu derrière toi, il y a le rayon alcool. Tu bois beaucoup, toi? Ah, les gamins. On va dire. En soirée. En soirée? Voilà, quand il y a des tchagas, tout ça. Des tchagas? Ça vous met juste des spies, hein, t'as capté? Vas-y. Attends, bâtard, putain, on me rappelle, j'ai encore un autre appel cagoulé, sa mère. Bon, vas-y. Ah, putain, casse les couilles, ça. Il force. Vas-y. Allô. Bah, allô, ouais. Ouais, j'ai une question, là, pour KXR. Tu dis, tu racontes ta vie, c'est que du mytho. Et toi, tout ce que tu dis, c'est réel? Ah, j'aime bien cette question. Il fait référence à quoi, là? Il fait référence à tout ce que je dis dans mes textes. Ouais. Et bah ouais, c'est réel. Tout ce que tu dis, c'est réel dans les textes? Bah, je vais pas m'inventer des vies. Si. Bah ouais. C'est tout bon? C'est tout bon, hein. Enfin, j'éteins mon tel. Ok, je t'ai déjà dit, mets-toi en mode avion. Mets-toi en mode avion. Torse nu encore. Parce que là, on reçoit des appels comme ça, là. Ah, les appels cagoulés, ça arrive comme ça en plein. Ah, des fois, en plein milieu de la nuit. Hein, mais... Faut bloquer ça. Moi, je connais des gens, ils m'appelaient en plein milieu de la nuit. Ils te posaient des questions comme ça? J'ai non, pas éteint mon tel, je reçois des appels cagoulés. Là, c'était des messages vocaux. Torse nu, toi aussi. Ah, oh là là. C'est lourd. Aïe. Et pas que torse nu, tu vois ce que je veux dire. C'est des longues histoires. Bon, vas-y. On se remet dedans pour enchaîner. Je voulais envoyer le son Visage. Ah. Celui-là, je l'ai écouté, j'ai bien kiffé aussi. Ouais. Donc KXR, visage, et puis on en parle un petit peu après. Voilà. Yes. Ouais, ouais. Yo, yo. Ouais, ouais. Ah. C'est KXR, c'est KX, ouais. C'est KXR, c'est KX, ouais. Ouais, ouais. Back Legion. Ah. Deux doigts, elle se mord le doigt. Trois doigts, ses yeux virent au blanc. Son père n'aime pas les noirs, mais sa fille atteint, ne me dis jamais non. On n'est pas comme toi mon négro, moi je prendrais une balle pour ma daronne. Et puis toi tu ferais quoi, à part la traiter comme une conne. Mon papa n'était pas souvent là, on n'a pas la même inspi. Boy, j'ai même pas besoin d'un slip. Tu n'es pas vraiment jolie girl, et ça c'est vraiment très triste. Weeping dans l'appartement comme des bâtards. Liasse sur liasse comme un Qatari. Change de face comme un gros Tommy. Tasse sur tasse comme un gros polygame. Je fais le vide dans ma tête, je me sens pas à ma place. Dis-moi qui sera là si jamais je trépasse. Je veux de la classe et des strass, des pétasses et des liasses. J'ai du mal à faire face aux problèmes qui se passent et ça me rend fou. Du coup, j'enroule un autre et je fais le tour. Seras-tu à côté si j'ai pas de sous? Si j'ai pas de sous, est-ce que tu feras le sourd? Ça part de spi et ça revient. T'inquiète, je comme s'il faut faire le mal et le bien. Bah ouais, j'assure si ces formes font un gros train. Tape dans la pure si c'est ça qui te fait du bien, négro. J'suis trop Matrix et ma teuté, c'est l'estate. J'suis trop Matrix et ma teuté, j'suis trop dans mon monde, j'ai le sang de mes ancêtres. J'ai zappé son visage parce que j'avais la rage. Ta vie n'tient qu'à un fil et au bout du film y'a un gros virage. J'ai zappé son visage parce que j'avais la rage. Ta vie n'tient qu'à un fil et au bout du film y'a un gros virage. Maintenant c'est plus du tout un frère, limite on avait la même mère. Quand c'était galère, on était solide comme du fer, même si ça en avait pas l'air. Elle me disait qu'elle était chaude et moi aussi. Du coup je l'ai démonté sans aucun souci. Quand y'a des ennuis, bah mon négro tu fuis. Quand y'a des ennuis, bah mon négro t'es où? Quand y'a des ennuis, bah mon négro t'es où? J'ai rêvé de monter haut pour ne plus voir ses faux. Et quand t'es solo, tes amis tournent le dos. Alors j'ai capté qu'il faut retenir ses mots. Y'a Wills qui détend son bras pour ce péta. Y'a Cobb qui s'en bat les couilles de ce péta. Y'a Kassou qui est toujours chaud pour ce péta. Et moi en pensant je tire ma péta, hey. Mais pour l'instant je vois rien de beau. Tes paroles de pute tiennent pas debout. La gola c'est une pro de la débauche. La broche la coupe en deux mais m'en debout. Dans ma tête y'a trop d'infos. Donc mon cœur bat la chasale. S'il te plaît ne fais pas le fou. Car ta sœur tapine un chamar. J'ai zappé son visage parce que j'avais la rage. Ta fine tient qu'à un fil et au bout du film y'a un gros virage. J'ai zappé son visage parce que j'avais la rage. Ta fine tient qu'à un fil et au bout du film y'a un gros virage. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Ok, ok, vous êtes toujours dans la 25ème. 22h minuit, on est là. Ciao, Jounes. Yeah. Émission spéciale KXR ce soir. Toujours. Donc, le son qu'on a écouté, c'était. Visage. Visage. Visage toujours au Dynamix, celui-là tu ouais, as... ouais, Dynamix toujours. Ok. Toujours. Est-ce oui. que tu... Ah, petit bug. Problème de mic. Tranquillou. Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau? Je sais pas, moi j'ai trouvé qu'il y avait un délire peut-être un peu plus calme ouais. sur ce morceau. Ouais. De fou. Tu voulais faire. Tu poses sur quoi? Sur des phases B, phase A? Phase B. Phase B, ok. Ouais. Tu cherches pas, de beatmaker ou... Ben des fois il y a un bout qui me fait des instrus, c'est Chicop Beats, je sais okay. pas s'il m'entend mais c'est un bon, il fait des bonnes prods, okay. il est dans ma classe. Et sinon non, je les cherche sur YouTube direct. Ok. Direct. J'en profite pendant que je dis ça pour passer un petit message à tous les beatmakers d'ici ou de la région. Dr. Dre, Scartouch. Voilà, Dr. Dre, tout ça. Big up, les gars. N'hésitez pas à nous envoyer des prods. Même pour ceux qui veulent faire passer les sons dans l'émission, n'hésitez pas. Le mail, c'est asso la25e@gmail.com. Donc n'hésitez pas. KX, je voulais savoir. Ouais. Toi, t'es plutôt studio ou live? Live, c'est-à-dire scène. Scène. Est-ce que t'as déjà fait des... J'ai jamais fait de scène. Justement, j'aimerais bien en faire, hein. Mais j'en ai jamais fait. Ça veut dire que si un jour il y a des bails qui se mettent en place et il y a des scènes, on peut t'appeler directement. Je suis chaud. Ok. Vas-y. Si, si, si. Directement. Est-ce que toi t'es plutôt rap ou est-ce que t'es plutôt chant? Parce que je vois que t'aimes bien l'autotune quand même. Mais si tu devais choisir là? Les deux. Les deux? Les deux. Direct. Okay. Donc tu manies bien les deux, quoi. T'arrives à t'adapter avec les deux bails, quoi. Ouais, j'arrive. Okay. Ça va. Si tu devais choisir entre millions de vues ou millions de followers? Millions de followers. Parce millions que millions de followers, ça fait plus de vues accumulées. Ok. Tu vois. Malin. C'est un calcul aussi. Signature gros label ou indépendant? T'as deux heures, si tu veux. Ah, nous, c'est... Ah, je te jure, là, c'est chaud. Une dissertation là-dessus. T'as deux heures. On va dire gros label. Ah, je sais pas, non, cette question elle est chaude, hein. Je sais pas. Je sais pas. Après, ça dépend des circonstances, en fait. De souvenir, comment ça s'appelle, Negrito avait bien répondu à cette question. Ah ouais, t'avais dit quoi, toi? Il avait dit un bail. Moi, j'avais dit quoi? J'avais dit label, moi. Ouais, label. Tu prends ton truc et après tu te barres. Bah alors, ok, on va dire label, mais j'espère que je vais pas être traité comme je sais pas quoi, t'as capté. Les labels, des fois, j'ai remarqué que, enfin, j'ai jamais été dans un label, mais t'as capté. Des fois, ils te font faire des choses que t'as pas envie de faire. Ah, ça et du coup, en indé, quand t'es tout seul et que tu te fais tout seul, ça, c'est possible. Mais on va dire gros label quand même. Ok. Gros label. Gros label. Gros label. Petite question, je pense qu'elle est un peu piège du coup. Eddie n'est pas d'accord? Ah. T'es pas d'accord? Ah oui, pardon, j'ai oublié de faire les big up. EDRF qui est arrivé. Tu veux la bagarre? Edinho qui est arrivé. Amir Quavito qui est arrivé. Eddie, t'étais pas d'accord sur le... Ça dépend du contrat qu'il te donne. Ça dépend du contrat. Ça dépend voilà, du contrat. C'est ça. Okay. Ça dépend de ce qu'il veut que tu fasses. Ah, ça dépend. Ça, c'est si tu dates. Tu peux pas arriver en mode... Eddie, tu peux dire dans le micro là-bas, hein, parce qu'on t'entend pas, en fait, nous, dans le retour. Moi, je pense que tu peux pas arriver en mode rookie, genre KX, là. Il va pas arriver en ouais, mode... Ouais, mais moi, le rookie peut réussir, hein. Hein, quand même. Non, mais je pense qu'on va t'imposer quand même des trucs de base. Ouais. Ouais. Toujours pareil, ça dépend. Moi, je pense pas. Ça dépend. Si t'arrives avec un vrai délire particulier et qu'ils voient qu'ils ont du bif à faire sur ton dos sur un délire comme ça, ils vont pas t'amuser à changer ton personnage. Tu vois ce que je veux dire? C'est ceux qui ont pas de personnage. Ils arrivent, les directeurs artistiques et compagnie vont essayer de te façonner quelque chose. Ouais, ils vont mais si t'arrives avec quelque chose à toi, bah, ils vont peut-être te dire. Ça, faut un peu le modifier ou quoi, parce que c'est obligé, t'es un minimum dirigé, t'es drivé, tu vois. Mais je pense que tu peux être libre. Vas-y. Ça dépend sous quelles conditions tu signes. Merci pour la chronique. C'était la chronique d'Edinho dans la 25e. Merci, mon ami, on est là. Si, si, bien joué. Donc, ma question piège, c'était rap français ou rap américain? Rap américain. Rap américain? Ouais. Ok, sans hésitation. Un peu quand même, hein. Parce que le français, j'écoute. Ouais. T'as déjà essayé de rapper en américain? Ouais. C'est pour l'anglais? Ouais. Plus ou moins ou en ça va? En mode yaourt? Non, en mode bien. Vas-y. Ok. En mode, je te mets en plein milieu de New York, tu vas avoir une blague. Oh, non. Tu lui dis, yeah, where from? Ouais, Despi, ça lui parle, mais je sais pas, okay. Je parle pas anglais de ouf quand si, même. Si, si. En anglais, frère. Ok. Alors, on va voir si... Ouais, je sais pas, ouais, pourquoi pas. T'es plutôt showcase ou t'es plutôt concert? Showcase. Ça j'aille plus en showcase. Ok. Enfin, est-ce que j'ai vu des vidéos? Et si toi, tu devais aller voir, du coup, je te mets dans de l'autre côté, si t'es en mode, tu vas voir un artiste. Ouais. Tu préfères showcase ou concert? Showcase. Ok. Vas-y. Et les dernières petites questions, t'es plutôt improvisation ou t'es plutôt texte, tu vois, t'arrives dans un freestyle, tu vas lâcher un texte ou texte. Peut-être tu vas improviser? Non, je vais prendre un texte. Ok. T'écris sur quoi? Papier? Dans les notes. Téléphone? Ouais, dans les notes. Ok. Pas de papier. Si. Génération Bigot. Ouais. Normal. Tu sais improviser ou pas, toi? Ça dépend. Ça dépend. De ça l'état dépend où je suis. De ton état. C'est ça. Ok. Ça va. Yes. Bon, ce que je vais faire là, je vais passer deux sons. Les deux derniers sons, après ouais. On va passer en mode freestyle. Je vais passer le son qu'on a fait ensemble, lequel tu m'as invité. Donc c'est KXR, Fit Chao, Je fuis les soucis. Ouais, ouais. Donc celui-là, on l'a enregistré de notre côté, fait maison. Et puis après, je passerai Maria.